peuple, tu écoutes toujours CISM, la radio des étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal. Je m'appelle André Péloquin et c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit. On commence dès maintenant notre deuxième heure, l'heure anglophone, et on va avoir un petit peu de rock, histoire de débuter en Lyon cette dernière heure. Pour cette semaine, on va avoir entre autres du Fury of the Head Teachers, du Scissors for Lefty, du Arctic Monkeys, mais avant, une pièce d'un groupe qui s'appelle Good Shoes, et la pièce s'appelle All in My Head. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à me faire parvenir ça par courriel. plectrumcism@hotmail.com, c'est l'adresse web, et pour celle de la radio, c'est le cism893.ca. Allons-y dès maintenant avec les Good Shoes! Ne perdons pas de temps en parlant! Non, non, musique, musique! I'm a talented artist and my heart's not in it. I'm a good shag, but I find a body fit and it's all, and it's all. And I play in a band, but I've got no talent. And I spit and I drool, but I just don't change a thing. Of a wiener and hers. Met some chicas just like us right now. Be sick, let's just have a good times. Having good times in the mission, having good times. Oh, these girls sincerely blow our mind. They breathe new life into checking our voicemail. And they're the kind of girls you wish would stick around. And mama, we learned some lessons. Say the word minor and lose them. Every time we must befriend them before you mess with them. Hey, mama, la grande traversée du jeudi à ma compagnie, le toujours très agréable André Péloquin. On vient de terminer avec un petit peu de rock pour débuter cette heure anglophone. On avait les Fury of the Head Teachers. C'est la pièce Farewell Comrade. C'est un simple. Un peu avant, on avait Scissors for Lefty. C'était la pièce Mama, Your Boys Will Find a Home. C'est tiré du maxi éponyme. Un peu avant, c'était les Arctic Monkeys avec I Bet You Look Good on the Dance Floor. Évidemment, c'est tiré de leur album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Et on a débuté avec les Good Shoes. C'était la pièce All in My Head. C'est tiré du sample du même nom. On va poursuivre de maintenant avec des trucs un petit peu plus électro. On va avoir entre autres du CSS, Cancer Dessert Sexy, avec un remixé par Spank Rock. On va avoir droit au même exercice de Stars, mais cette fois-ci remixé par les Russian Futurists. Et on va débuter dès maintenant avec un remix de la célèbre Banquet de Block Party. Si vous voulez vous adresser à moi au cours de la semaine, passez par mon courriel. C'est le plectrumcism@hotmail.com. J'ai aussi un site où est-ce que je note tout ce que j'ai fait jouer. Alors, s'il y a des pièces qui vous intéressent, eh bien, allez sur le site. Comme ça, vous aurez l'air moins fou quand vous serez chez le disquaire et demanderez. Tu sais, la toune là, qui fait gna, sexy back, que j'ai entendu à la radio l'autre fois. M'avoir le nom de l'artiste, ça passe toujours un peu mieux. Et c'est ça, si vous avez un iPod et ainsi que le logiciel iTunes, eh bien, je vous suggère fortement ma balado-diffusion. Bourrez votre disque dur de plein de choses le fun dans la vie. Eh bien, c'est au podmodernisme.blogspot.com pour avoir plus de détails. Là, je parle vite et c'est pas toujours cohérent. Alors, je vous suggère surtout d'aller sur le site cism893.ca pour avoir plus de détails sur ma station, sur les émissions, et etc. On débute dès maintenant avec Banquet, le Block Party sur la marge. À tout de suite. it's not enough. Come and erase me and take me with you. Kiss me, I'm drunk, don't worry, it's true. I wanted to show you how mad is my love. Come and attack me, it's not gonna hurt. I mean, deny me if I fear when it goes. Let's make love and send that from above. Let's make love. Let's make love. And listen that from above. You know my ideas when they were in my head. They were my secret, even in plans. Wind them back, the more than again. Wind them back, the more than again. Run, run, run to make a heart shake. Kiss, kiss, kiss, we might deserve it. I'm gonna get what I'm willing to take. This get away, the miles you make. Come back, I'll warm you up. Make me breakfast, I'll make it up. You are so talented, I'm in love. Let's make love and listen there for me. Let's make love. Let's make love. And listen that from above. I'm back with a smack and I'm ready to attack. Stare at my lips and see they are wet. I know how you're doing by looking your pants. And this is how we call it a comeback. And listen that from above. Oh, your elbow and began to speak to me. But you stopped yourself and kissed me, and I grabbed your wrist and told you, I know, I know, I know, I feel the same as you. Karaoké et moi, en compagnie de Christine Lamarche. Mais non, c'est André Péloquin et c'est Plectrum, la grande traversée du jeudi. Je vous le rappelle, mais je chante aussi mal que les personnages fictifs que je viens d'inventer. On vient de terminer avec Stars. C'était la pièce The First Five Times. C'est le Russian Futurist Remix. Un peu avant, on avait Cancer de Serre Sexy avec Let's Make Love and Listen to Death From Above, remixé par Spank Rock. Et on a débuté avec Block Party, c'était leur tube Banquet, remixé à la sauce Boys Noise. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus hip-hop. On va avoir entre autres du Teddy Bears, on va avoir aussi du Knife and Chop, on va aussi avoir du Mike de T 2600 King, pardon. La pièce s'appelle Castlevania P et c'est ce que j'aime de CSM, c'est qu'on peut vous faire jouer pas mal tout ce qu'on aime tant que c'est... Là, je fais des guillemets avec mes doigts alternatifs. Et ça, c'est vraiment... moi, ça vient me chercher, cette pièce-là, Castlevania P. Le gars fait du rap par-dessus la chanson d'un des... Le thème du premier niveau d'un des plus grands jeux vidéo jamais réalisés sur cette planète. Je parle, bien sûr, de Castlevania 1 sur le Nintendo Entertainment System. Ça vient me chercher, c'est incroyable. Quand j'ai découvert cette pièce, j'étais vraiment... Oh, mon Dieu! Enfin! Enfin, quelqu'un pense à moi! Je me sens tellement moins seul au monde! Fred Perron, t'es où? Pourquoi t'es parti? Je le sens quand t'as nivelé le palmarès ce mercredi, moi! T'es où, Fred Perron? Je veux que le chevreuil observateur revienne aussi! C'est la seule émission que je trouvais drôle à CSM! Ah! Ma vie est tellement un vide incroyable! Oui, c'est ça que cette pièce me faisait penser. Et on va aussi avoir du Dead It avec la pièce Freak Nasty. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, plectrumcism@hotmail.com, mon site web, plectrumcism.blogspot.com et le site de la marge cism893.ca. On débute dès maintenant avec Little Red Rooster versus The Robo Dog de Teddy Bear. Oh yeah, listen, this is for the flight attendants, the car mechanics. Yeah, the lady behind the counter at the supermarket. For real, she know the flavor. You know this is the Little Red Rooster versus the Robo Dog. Yeah, come on, that's right. And for the school teachers out there, this is Teddy Bears, the A to the DL, come on. I'm taking this one to the kindergarten. Watch it. It's the teddy bear army, locked and loaded. It's time to get crazy, you know it. Full blast, psycho behavior. Real fast, we'll see you later. I'm me, the A to the D. Come on, L, let me show you how it be. Well, in stock town, rap is me. I control the scene, and that's W.E. BK all the way to Norway. The UK to the US, so let us play. To keep bouncing like balls in a nutsack. Yo, motherfucker, who you looking at? Wanna be me and take my shine. Teddy bears tell them they can take what's mine. So be happy and suck on a lollipop. Don't worry, cause this will not stop. Little Red Booster versus the Robo Dogs. Straight Turbo Booster. We're coming out the smoke. We're big time, baby. That's right. We're big time, baby. Say it again. We're big time, baby. That's right. We're big time, baby. Come on. Beautiful people in the place. Slowing down to the sound of the thumping bass. You don't need no drugs while I'm in your face. Just an ounce of the bounce. Now here's a taste. Absent minded kid from down south. Rounds keep jumping out my mouth. Ladies be like, they wanna have fun. They wanna get down with the big love gun. Sorry, I'm taking bad news for some. There's plenty of few men in the world, so choose one. So here's the crew who likes to make noise. Here's a ticket, come check the boys. Hip hop or slash punk rocker. Blowing up the spot, here comes the showstopper. Little Red Booster versus the Robo Dog. Straight Turbo Booster. We're coming off the spot. We're big time, baby. We're big time, baby. We're big time, baby. We're big time, baby. We're big time, baby. We're big time, baby. We're big time, baby. We're big time, baby. Take your time, no need to money. Teddy bears got something for everyone. Cause we stay hard like bricks and concrete. Don't sleep, 80 of us max elite. Stay fit, increase my machine. Better keep dancing, gotta let off the scene. Come on, let's ride, journey to the other side. Keep it with some motherfuckers so we won't collide. Yeah. Survive, let's stay alive. You're 33 RPMs, we 45. To the nation, for me and the teddy bears. Don't be scared, come on, lose your fears. Forward motion, andale, andale. Jump, spread out, now run, come follow it. Little Red Booster versus the Robo Dog. Straight Turbo Booster, we're coming out the smoke. Come on. Little Red Booster versus the Robo Dog. Straight Turbo Booster, we're coming out the smoke. We're big time, baby. That's right. We're big time, baby. Say it again. We're big time, baby. That's right. We're big time, baby. We're big time, baby. Where you took me now me toot. I'm tired to burn them dirty coke. No joke. Beat with the maca. Where you took me, me friend. Cause me now go lick them coke pipe again. Once again. Beat with the maca. Where you took me now me toot. I'm tired to burn them dirty coke. No joke. Beat with the maca. Where you took me, me friend. Cause me now go lick them coke pipe. Man, can you just imagine? Say me day about a coke pipe, me smoking. After me so gifted and black as a young thing. Come in a Jamaica and me vibe me striving. Take up me career is like a horse me riding. Giddy up me up the me for body them using. Some of them get me but they all get a beating. But you coke pipe is like the race me losing. Man, little something hear me talking to me. Feel with the maca where you took me now me throat. But me tired me burn them dirty coke now too. Maca where ya took me, me friend. And me nah go lick them coke pipe again. Once again. Weezy the maca where ya took me na me toad. And me tired me burn them dirty coke. No joke. Weezy the maca where ya took me, me friend. And me nah go lick them coke pipe again. Who once say again. Me kiki. When me ya go burn it in a dance and party. Could a get me lock me up, me do not easy. Go up put me tell the judge the high man the guilty. Cause me not easy. No. Take up me chalice and me lick it, me friend. Call it with us, I'm in a run, can't run again. Can't jam me a little, I'm in a little walk again. So if they come to lock me up, that is no problem. Give me the weed with the maca where you took me, now me toad. Now me tired, me burn them dirty coke, no joke. Weed with the maca where you took me, me friend. Now me now go lick them coke pipe again, once again. Weed with the maca where you took me, now me toad. Now me tired, me burn them dirty coke, no joke. Weed with the maca where you took me, me friend. way you drop me na me throat. I'm tired fi burn them dirty coke, no joke. Weed with the maca way you drop me, me friend. Come in, I go lick them coke pipe again, once again. Weed with the maca way you drop me na me throat. I'm tired fi burn them dirty coke, no joke. Weed with the maca way you drop me, me friend. Come in, I go lick them coke pipe again, once again. Now Snap, crackle and pop, tout le monde! Vous écoutez toujours Plectrum, la grande traversée du jeudi en ma compagnie, André Péloquin. On vient de terminer avec The Dip, avec la pièce Freak Nasty, c'est tiré de la compilation Monster Booty. Un peu avant, on avait Mike de 2600 King, c'était la pièce Castlevania P. Un peu avant, c'était Knife and Chop avec Dirty New York, tiré de l'album Dirty Dirty New York. Et on a débuté avec les Teddy Bears, c'était la pièce Little Red Rooster et Versus de Robo Dog. On va terminer dès maintenant cette émission avec un petit peu de tendresse en attendant l'arrivée de l'équipe du palmarès du jeudi. Et on va avoir entre autres des pièces de la Maison Tellier, formation française folk qui ressemble un peu à Calexico. Je dis française de France, là, pas française dans le sens qui chante en anglais, malheureusement. Alors c'est ça, ça va être une reprise de la fameuse Toxic de Britney Spears en balade Tex-Mex, c'est incroyable. On va aussi avoir du Emily Haynes, évidemment, de Matrix and the Soft Skeleton, c'est la pièce de Maids Needs a Maid, tirée de son album Knives Don't Have Your Back. Et si on a le temps, on va vous jouer une reprise. Coudonc, c'est la thématique de ce bloc-là, c'est incroyable. C'est fou, André, c'est fou, man, à quoi tu penses, là? Deux reprises en même bloc, c'est fou, là! Man, t'en demandes trop du monde, là, t'en demandes trop! Je m'excuse, oui, je me parle des fois à moi-même. D'habitude, c'est quand je fais jouer de la musique et je m'engueule en disant « Oh non, c'était pas un bon mix, ça! C'était pas un bon mix, André, pourquoi t'as mis ça? » Mais là, je m'excuse, c'est sorti en public, je suis très dur avec moi-même, en effet. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'on va avoir aussi une reprise de Creep de Radiohead, une reprise à la sauce folk par Annie Rossi. Je m'appelle André Péloquin, c'est déjà tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine dès 16h ou cette nuit, Plectrum est en reprise. Alors, si vous allez dans les bars ou dans les lancements, Télémac lance leur album Au Quai des Brumes. Il y a aussi les Georges Leningrad, évidemment, qui, eux, lancent le sien, le leur, plutôt au National. Alors, si vous revenez tard de cette cuite mémorable, eh bien, synthonisez CISM 89.3 FM. Et puis, vous devriez entendre ma douce voix vous baigner avant que vous endormiez dans un coma éthylique et sûrement vous allez sûrement faire des cauchemars parce que je suis tellement agréable au micro. En tout cas, j'arrête de m'étirer. plectrumcism@hotmail.com, c'est mon courriel. plectrumcism.blogspot.com, c'est mon site web. podmodernisme.blogspot.com, c'est ma balado-diffusion. Et le cism893.ca, c'est le site web de la station. À la semaine prochaine, tout le monde. On y va dès maintenant avec la Maison Tellier. Oh oui, cowboy. Wear a warning, dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't hide, I need a hit, baby give me it. It's dangerous, I'm lost. But I'm a creep. Bros before hoes disagree on the sidelines.